Tu interdis les arts de confusion. La divination et les détours. Car tu veux parler directement à ton peuple jour après jour. Tu promets un prophète comme Moïse, un messager pour la vérité. Et tu dis que ta parole vivante doit toujours être discernée, pesée. Ta voix éclaire le chemin plus sûrement que tous les signes. Apprends-nous à reconnaître ta voix au milieu de toutes les paroles, à discerner le vrai du faux quand les discours se font frivoles. Apprends-nous à reconnaître ta voix et à la garder comme une langue. Car celui qui écoute vraiment Dieu ne marche plus dans la pénombre.